Tu restes par terre, t'agonises, qu'est-ce que tu fais là? Hombre, hombre, tu vas où avec ta chemise? Et ouais, malade. J'ai tombé, tombé, ils t'ont niqué la police, en plus c'est banal. Pour mettre tout pointé, t'auras plus le